salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Comme nos chers amis de Bruxelles m'habite l'ont annoncé ce soir, c'est un épisode dédié aux copains, aux amis, à l'amitié et à toutes ces chouettes relations. Alors dans la vie, eh bien, parmi les gens importants pour chacun d'entre nous, il y a la famille et puis, comme je vous l'ai annoncé, il y a les amis. Les amis de l'école, les amis de soirée, les amis d'un soir, les amis de vacances, les amis du travail, les amis d'enfance, les amis d'amis, les amis de la famille, les familles d'amis. Et puis il y en a quelques-uns eh bien, qui sont tout ça à la fois. Et parce que cette émission, c'est avant tout, évidemment, un projet entre amis, le Memento rend ce soir hommage à toutes ces amitiés, en musique bien sûr. Le Memento qui se baigne dans la bromance, c'est tout de suite sur Radio Panique. Get camping eyes and a final eye. Last man in shop is picking cauliflower. The fuss to make, I swear they were buying a car. They always moan, moan, it's not so cheap. Cheaper still down the street. Lose my rag and tell them take it back and shop down there. Closing down, they're closing down another road. One way system steals the show. Mac the nap swigs, a can of sings a day where there's more life, more life, more life in a transvest. There's more life, more life, more life in a transvest. The flower man sits down in the street, surrounded by stock he bought a back last week. Bring back the ladies wearing lipstick on their teeth. Make up, we make up a crappy joke. Sit back, relax, and have a smoke. Mac the nap swigs, the kind of sings a day away. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life. Mac the nap swigs, a can of sings a day away. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. There's more life, more life, more life up in a tram's fest. Stereophonics, More Life in a Tram Vest. Bah, il fallait qu'on mette un petit peu de testostérone dans cette émission. On parle de copains, comme ils l'ont dit juste avant, on est deux dans un studio, il fallait qu'on rajoute un petit peu de guitare qui tâche, histoire de relever le truc. Par contre, le justificatif de pourquoi cette chanson est pas si testostéronée que ça. Pas si rock'n'roll que ça. Non, il est même plutôt gênant, presque. Ah, c'était donc le générique de La Vie Devant Nous, une superbe... C'était pas une sitcom, mais c'était quand même pas loin, une série française avec des copains au lycée. Superbe et même un petit peu trop superlatif, oui. Je trouve. Mais oui. Bref. Voilà, c'était des histoires de copains qui avaient la vie devant eux, quelque part. C'est une chouette façon d'arriver, eh bien, évidemment, au début d'une amitié, c'est-à-dire la rencontre. Voilà, on avait 6, 14, 20 ans, c'était potentiellement à l'époque d'une façon ou d'une autre, à l'école ou en vacances ou dans n'importe quel endroit qui permettait eh bien, de se retrouver face à quelqu'un qui, manifestement, tripait exactement sur les mêmes choses que nous. Voilà, il a suffi de pas grand-chose pour lancer une conversation. Qui sait, si l'amitié est toujours en cours, jamais vraiment arrêtée depuis. Et voilà, ça crée des jolis souvenirs, ça crée des jolies histoires, ça crée quelque chose d'assez romantique. Et voilà, tout simplement, je vous laisse écouter la suite qui va romantiquement très bien avec. Thank you. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. Take on me, aha. C'est le nom du groupe. Bah oui, voilà, une très chouette version. À la fois très romantique, très, très, très émotionnelle, et à la fois presque quand même très drôle. Et moi, j'aime beaucoup ce truc où on ne sait pas trop où se mettre. J'adore, ah oui, j'adore ça pour lancer le côté romantique. Et maintenant, on peut peut-être passer au côté un peu plus souvenir d'enfance, un peu plus actif. J'avoue, parce que là, t'as créé une petite ambiance chelou entre nous, hein, comme ça, là, le petit début d'émission. Mais non, c'est sympa, ce petit moment, un petit peu de bromance dès le début de l'émission, comme ça, j'aime beaucoup. Dans notre cheminement d'émission, qui est, je le rappelle, dédié aux copains, à l'amitié. On va parler des différents stades de l'amitié, parce que ça peut être positif, ça peut être négatif. Et bien, surtout, un truc qui construit l'amitié, c'est quand on crée quelque chose de zéro et qu'on le fait évoluer au fil du temps. Créer un petit projet, que ce soit de la radio, c'est ce qu'on fait maintenant, que ce soit de la musique, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore et c'est ce qu'on fera sans doute encore après. En tout cas pour certains d'entre nous, du sport parfois, des vacances, on y reviendra, ou bien bêtement, au tout début, hein, construire une petite cabane dans le fond de son jardin ou d'aller chercher les œufs de Pâques dans le fond du jardin planqué. Ce genre de petits trucs qui construisent une amitié, qui construisent des petites anecdotes qui, sur le moment, ont l'air insignifiantes, mais qu'on racontera 10 ans ou 20 ans plus tard. Entre potes, autour d'une bonne bière, autour d'autres choses aussi, un petit whisky, peu importe, on en reparlera aussi de ce genre de petites soirées comme ça qui font plaisir. Et donc là, on va parler de ces naissances de projets, de ce genre de choses. On va du coup diffuser de la musique un petit peu plus urbaine. punchy. Il y en aura deux, de des styles très différents. Et la première, on en enchaînera deux. La première, c'est un artiste belge. Tiens, bruxellois. Bruxellois. Flamand. Néerlandophone. Zwang Ruggy. Pete. Pete, ancien lord du commun. Ancien lord du commun. Ils sont sans doute peut-être. Ils sont toujours tous ensemble. Ils sont bien copains. Ils doivent être du côté de l'ancienne Belgique en ce moment, vu que Zwang Ruggy est en train d'y faire un concert. On y voilà. est pas. On est ici. Mais on va vous faire profiter d'un peu de Zwang Ruggy. Le titre, Arthur, c'est le Rap Remix. Rap Remix, et on se le fait tout de suite. Je ne fais que rapper, faire des prods toute la journée dans ma bulle. Entre le taf, la copine et l'école, il n'y a de la place que pour ma musique. Avant je rêvais d'avoir la vie de Paul Rodriguez. Aujourd'hui je rêve que les gens m'acclament comme Sixto. La chance, je vais la pousser pour prendre ma place dans ce jeu d'échecs où ils se croient king. Et puis on les vire de la partie bang. Autoprod, auto-enregistrement, auto-mixage, bref, auto-tout sans auto-tune. Je veux faire les choses en grand à l'image de ma famille. Que mes pros s'entendent jusqu'à Bali, foutent le dawa sur scène comme Wu-Tang Clan. Le public est averti, chaque concert est une claque. Les claques sont toutes sans gants. J'ai le choix de faire ce que je veux, mais je me dois d'apprendre de mes erreurs. Si je veux finir numéro 1 comme ASAP, je veux les pesos. Mais veux en besoin pour s'exaucer. Finir ma vie dans un resto, c'est hors de question, à part si c'est le mien. 3 ans que je rappe une autre, je me mets à chanter. Rejoins-moi aux côtés des salles, je préfère danser. Zes jaar dat ik rap de muziek, ik altijd samen met die beat mee. Zie ons zonen in de studio of cruisen op de Melkway. Toute la journée dans mon studio, j'en oublie de manger. Je m'écris, mais c'est pour prendre du bois dans le game. J'arrive de nulle part. Ganze Tage non-stop und der Wetter, der nie aufhilft. Er griff nie auf, nee. De man was helemaal alleen en hij geloofde in niks. Want wie voor hem moest zorgen zat zo diep in de shit. Hij kon de keuzes niet maken, de rekening niet betalen. Er kwam meer wijn bij dan water en meer venijn en verraders. Jaren na jaren begon hij zichzelf af te maken. In de naam van de vader, alle molen te kraken. Een snitch in de wijk, is als een bitch die nu zwijgt. Nee, geen grap voor die boete, en zelfs zijn patas zijn kwijt. Dit is die dubbele fuck van zij die weten hoe ze. Die shit die je niet hoort en niet op danst in de club. Die shit die je niet hoort en niet op danst in de club. Die shit die je niet hoort en niet op danst in de club. Billy, Billy, Billy, Pablo. We'll be right back. The Rack Hunters, Counselor of the Lonely, un vrai, vrai groupe de potes. D'ailleurs, je pense que Jack White, qui fait partie de ce groupe, ce grand apôtre du rock du 21e siècle, décrit ce groupe comme un jeune groupe de vieux copains ou de vieux amis. Ouais. Voilà, c'est parfait. Un peu Zongerugi avant, tu le disais avec Pete de l'Ordre du Commun, c'est un peu... cet esprit de pote qui au début faisait ça pour sans le plaisir, très pige, vraiment sans prétention. Puis on voit le succès que ça prend toujours maintenant. Rack Hunters, bon, on imagine que ça a tous, un peu comme tous les groupes d'Europe, hein, de rock, pardon, commencé dans un garage ou dans une grange, du coup, à l'américaine. Voilà. Mais voilà, un truc de pote. Il y en a qui faisaient des cabanes dans des jardins, puis il y en a qui faisaient de la musique, des guitares avec des et cordes. Qui sont devenus des rockstars internationales. Exact. Bon, voilà, bon, au final, le plaisir est le même. Peut-être, ça c'est peut-être un petit peu. Voilà, je pense que c'est peut-être différent. Mais en tout cas, l'idée était là. L'idée était de mettre l'amitié au centre de ces différents projets. Ce sera le cas de pas tous les groupes qu'on passera aujourd'hui. Mais il y a quand même une petite constante. Et c'était le cas de Rack Hunters. C'était le cas de Zwangerugi. Et en parlant de plaisir, le 27 mai au Cirque Royal, d'ailleurs, on a écrit à la. Au Cric Royal, ça peut avoir son intérêt aussi. Eh bien, ça coûte une blinde, mais ça va être tellement bien parce que les Rack Hunters que vous venez d'écouter, eh bien, seront en concert comme il faut. D'ailleurs, vu la salle qui est plutôt vieux théâtre, assez haut, c'est assez grand et assez intimiste en même temps. De rock blues, ça va être, ça risque d'être très très très intéressant. Une bonne partie de l'équipe originelle du Memento sera là d'ailleurs. C'est vrai ça. Et à savoir Nicolas, Asma et moi-même. Et eh bien, on aura le grand plaisir de vous y croiser. Au cas où, on sait jamais. Voilà. Voilà. En tout cas, on vous le conseille. Ça risque d'être extrêmement bien. Continuons notre histoire de l'amitié, puisque bien être amis, c'est avant tout passer des moments ensemble, se raconter des histoires. Et évidemment, dans les histoires qu'on se raconte, il y a les histoires d'amour qu'on vit et qui marchent plus ou moins bien et qui créent des anecdotes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toujours très très chouettes à raconter. Depuis les grands moments de réussite romantique aux énormissimes foirages, eh bien, ça raconte toujours des chouettes choses, toujours des moments très sympas, et ça permet d'avoir toujours une BO qui marche aussi bien avec notre ami de Anderson Paak. We stayed up all night watching a comedy show. That aged whiskey and hydro. Good lord, what a nice conversation. I'm too flawed to get anywhere safely. You know I talk about you highly. I'm fascinated for the time being. We can laugh until the morning. Or we can dance in the hallway. Only one more night in Los Angeles. I really thought that I can handle it. But the funny thing is, I was holding back tears. I didn't think this day would happen. I'd give all this up for a chance at it. You would've thought I'd be the man for this. But the funny thing is, we can never stay here. I didn't think this day would happen. I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. Anyway, we went home and left our clothes up in the living space. Say, would you stay if your heart had the power? Or would you run and find another life to imitate? It's important that we make the best of short time. You can never be my one and only anyway. Say, can't a young man dream? Can't we all live the life on the widescreen? What's the point? Yeah, we had fun if only for the time being. But I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. On va continuer notre petit périple dans ce memento spécial copain, spécial amitié. On se fait plaisir, on retrace un peu le parcours d'une amitié qui naît, qui se crée, qui évolue. Et quelque part, il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il n'y a pas que les copains, il y a aussi les copines. Ah ben, on est surtout tous les deux bien placés pour le savoir, puisqu'on est tous les deux des champions de sortie de friendzone, on peut le dire. Oui, bah, tout à fait. Autant dire ce qu'il y a. On est des rockstars pour beaucoup, voilà. Beaucoup de friendzonés. We non, mais... did it. We did it, c'est possible. C'est possible. Et donc du coup, bah, l'idée du prochain titre, c'était, entre ces sons de capsules de bière qui résonnent dans le studio, était de se dire que bah, une amitié, c'est pas forcément si simple et si pérenne dans le temps. Il y a des choses qui évoluent, parfois en mal et puis parfois... en très très bien. Parfois en très très bien. Et c'est ce qu'un peu t'as voulu illustrer avec le prochain titre, je pense. Rafraîchis-moi la mémoire. The Villagers' Trick of the Light. Pour parler du fait qu'évidemment, il n'y a pas que des histoires entre copains. Il y a des histoires entre copains et copines. Et que ça peut parfois tourner très très bien. Et de tête, je pense que c'est les premiers mots de la chanson qui ont justifié le fait qu'on place cette chanson à cet endroit-là. Quelque chose comme ça. Après, je suis pas sûr des lyrics de la chanson, mais les premiers mots, ça marchait très bien. My heart is spilling over, crashing on the ground. See what's around me, but soon I'll come around. My faith is in the balance of a million tiny words, so I return to silence. And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May never come, but I'm willing to wait. What can I say? I'm a man of the faith. And there's an ocean in my body, and there's a river in my soul, and I'm crying. It's time that I let go of things I can't control. This path that I've taken is the only one I know. Well, I've come so far to get here, and I've got so far to go. So I'll take what I can get in matters of the soul. And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May never come, but I'm willing to wait. What can I say? I'm a man of the faith. And there's an ocean in my body, and there's a river in my soul, and I'm crying. Salutations aux joueurs de triangle de ce groupe Villager Trick, A Trick of the Light. Eh ben, j'aimais beaucoup, on s'est laissé. Il y a des petites chansons comme ça où on se laisse un peu emporter, on parle plus dans le studio et ouais, on écoute chacun, soit dans son casque ou en écoutant dans les moniteurs du studio. J'aimais beaucoup la petite percussion un peu sautillante comme ça, au un final assez simple, un truc qui groove et puis les petits coups de tom comme ça qui sont pas du show-off gros roulement dans tous les sens, mais je sais pas, on a voyagé. La petite chanson typique de reprendre le train quand il fait noir, ouais. et être absent pendant 5 minutes à regarder les lumières qui défilent et juste avoir l'impression que ce serait le clip parfait pour la chanson. Exactement. Vraiment ce genre de musique qui illustrait, on le rappelle, le petit basculement entre l'amitié et un petit peu plus. Donc je le rappelle, A Trick of the Light. Bon, on parlait des lumières du soir. Ouh, oh là là, oui, transition. Je l'ai trouvé. Pas mal. Eh bien, les lumières du soir, moi, ça me rappelle les soirées entre amis. Puisque moi, je pense toujours à ce moment-là de la soirée, c'est-à-dire le moment où on est encore à un endroit assez calme, entre dans un groupe assez restreint, et qui pour moi a toujours été le meilleur moment de la soirée, le moment le plus sympa, le moment le plus riche, le moment le plus motivant quand tout le monde est encore en pleine forme. Et voilà, tout le monde est en train de se chauffer, on sait qu'après ça va partir en ville, ça va partir dans tous les sens. Eh bien, quelque part, il y a ce moment, le meilleur des meilleurs de moments, c'est quand ça fait 30 minutes qu'on dit « on va y aller » et que finalement, tout doucement, ça se met en route et que ça traîne et qu'il y en a d'autres qui essaient d'en choper pour partir. Et puis voilà, ça traîne. C'est une histoire de 25 minutes et on y va. 5 minutes, her. All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources. And then the kisses, following courses. And again kisses, following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes. Like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. Effect. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. Bah ça y est, on est parti là en soirée avec nos potes. 5 minutes, c'est encore une histoire de potes, peut-être de bromance, on ne sait pas, je ne les connais pas. Deux Français, je ne sais plus de quelle ville ils viennent, mais ils ont aussi commencé de faire de la musique assez jeune, vers 16 ans, et ça monte, ça fait de la musique. Et c'est au final un petit peu le thème, bah oui, de ce memento, les copains. Là, on avait les 5 petites minutes de battement avant de partir en soirée, mais là on le sent, la petite soirée là qui se profile, là, la petite... tu disais les petits moments riches, les petits moments machin, mais là on va devenir pauvre en sortant dans les clubs de Bruxelles. Ouais, bah, écoute, les transitions. T'es pas le seul à pouvoir faire des transitions un petit peu nulles. J'aime bien. Et voilà, et là on commence, ça monte, cette petite excitation dans les clubs. Je te laisse te démerder, mais je vois que tu ne sais pas quoi dire. Si. Le groupe qu'on va écouter, c'est French 79. Je ne les connais pas. Tu les as choisis. Je ne les connais pas. Ce titre After Party qui illustre la partie, tout simplement. On les écoute tout de suite et on cause de ce qui fera un petit peu plus mal le lendemain matin, juste après ça. Bah, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Là, on vient de terminer notre petite soirée. Ça, c'est pour après. Mais on vient de sortir de notre petite soirée avec French 79, si je le prononce bien. After Party, pour illustrer ce petit moment d'un petit peu de folie. Voilà. Hein, qui précède les moments un petit peu moins glorieux. Un peu moins fou. Un petit peu moins fou, clairement. C'est un moment où on se réveille à 5 dans une chambre de 10 mètres carrés. Qui a une espèce de manque d'oxygène, comme voilà. Ça, c'est difficilement palpable, parce que c'est clairement pas un manque d'oxygène scientifique, hein. On n'est pas sur une altitude de 4000 mètres ou de 6000 mètres où il y a vraiment un manque, mais il y a une espèce de flou dans cette chambre où ça pue à moitié la transpiration, à moitié la clope froide, à moitié le cul de bouteille renversé sur la moquette. Là, il y a un truc, une petite odeur un peu particulière le lendemain où le premier réflexe c'est boire de l'eau et ouvrir la fenêtre. En général, voilà. C'est assez universel ce réflexe. C'est l'odeur de la défaite. C'est l'odeur de la grosse défaite. Et c'est un petit peu, n'en déplaise au groupe, hein, on va pas assimiler de défaite au titre qu'on va écouter de Weval, mais vous allez peut-être ressentir, et si on vous le dit, ça va peut-être vous parler, le petit martèlement de cerveau, le petit boum-boum dans la tête qui est moins agréable que la musique boum-boum qu'on avait dans les oreilles la veille. Le truc qui fait un petit peu mal quand même, qui reste... Qui ferait presque regretter ce qui s'est passé la veille, et en même temps pas du tout, parce que on fait un petit FIFA, on discute des conneries dont on se souvient ou pas, et voilà. On fait sur le moment, on se dit plus jamais, mais on est tous très bien placés pour se dire que ce plus jamais n'a jamais une durée de vie très longue. Ou à ce soir. Ou à ce soir, tout à fait. Et ben, pour rester dans le thème, hein, copain, le groupe Weval, dont on écoutera très très bientôt, d'ici quelques secondes, le titre Gimme Some, ben, c'est un duo, de potes, évidemment, néerlandais. Ils sont rencontrés dans le cadre cinéma, ils travaillent tous les deux dans le cinéma. Et en plus de cette profession, ils ont commencé à faire un petit peu de musique. Et la petite anecdote que je trouvais sympa dans le choix de cette musique, c'était que moi-même, en ayant découvert ça, c'était... En, pas travail de fin d'études, mais en travail à l'IAD, puisque c'est là que j'ai fait mes études, dans le cadre donc, du coup du cinéma. Donc j'ai trouvé l'info et ça fait totalement appel à l'anecdote de découverte du groupe. Je trouvais ça assez sympa dans une voiture entre l'endroit où on dormait et le lieu de tournage. C'était très sympa. Merci au caméraman, je pense, si je me rappelle bien, qui a passé cette chanson et cet EP, l'EP de Weval, à fond dans la bagnole, quasiment à tous les trajets qu'on faisait avec lui. Merci à lui. Ça faisait déjà quelques années, mais on va se l'écouter tout de suite. Ce titre, Mal de crâne, Gimme Some Weval. Gimme Some. Weval, Give Me Some, on le disait, hein, deux amis qui se sont rencontrés dans le cadre du cinéma. Et on l'entend, on le disait justement hors antenne en écoutant un petit peu la musique, même un petit peu beaucoup en fait, en profitant de la musique, qu'il y avait, on reconnaissait un petit peu cette petite patte cinéma, essayer de raconter une histoire, un son qui est une qui intention évolue, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on verrait clairement sur, comme tu disais l'autre fois, des images de routes qui défilent, de trains dans la nuit, de choses comme ça. Ça marche très très bien. On sent la musique à l'image. On sent la musique à l'image, et sans transition aucune, continuons notre petite histoire, notre petite aventure et d'amis qui parfois n'est pas si comment dire, si fréquente que ça. C'est pas une amitié, c'est pas des potes qu'on voit tous les jours, mais il y a un petit truc. Voilà, pour des raisons X ou Y, on se perd de vue pendant un certain temps. Ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, et puis à un moment, il se passe un truc. Tiens, on va boire un verre, et boum, il suffit de 5 minutes pour que ça reprenne. Il y a des montagnes de trucs à se dire, mais il faudrait pas aller trop vite, hein. On n'est pas pressé, on a toute la soirée. On va profiter de chaque petite seconde, chaque petit instant. Un bar, un balcon, une terrasse, un jardin, potentiellement une bonne bouteille qui passera pas la nuit. Eh bien, c'est tout ce qu'il nous faut. Mélissa Lavo, qu'on entend toujours derrière Arthur et moi, Nan von Bois. Ça, je suis moins sûr de la prononciation, quoique il n'y a pas trop de doute à avoir. Hein, c'est écrit comme ça, je pense que ça a l'air assez phonétique. Qui illustrait ces amitiés qu'on ne voit pas forcément tous les jours, toutes les semaines ou même tous les mois, mais quand on les voit, on a l'impression que la dernière fois qu'on les a vus, c'était hier. On en a tous. J'en ai déjà 2-3 en tête de genre de potes là qu'on peut nommer pour cette émission Copain qui. En une heure, c'est un peu compliqué quand même de tout raconter, de tout aborder, les problèmes, les choses qui ne vont pas pour l'instant. On s'est surtout concentré sur tous les souvenirs positifs et on ne restera que sur ça puisque c'est déjà la fin du Memento. je vous propose qu'on se retrouve du coup dans un mois, tout simplement, pour un nouveau thème, de nouvelle musique, toujours pour creuser et pour trouver la BO de votre vie, puisque c'était quand même ça le slogan de base du Memento. Et donc voilà, on va se quitter pour finir cette émission sur l'amitié, sur le fait que bien c'est toutes ces amitiés qui créent des chouettes souvenirs, des madeleines de Proust qui peuvent être ravivées avec seulement une petite musique pas toujours très avouable. Une petite madeleine de Proust, on va le signaler quand même, Arthur, qui a été proposée ni par toi ni par moi, mais par Driss, qui aurait dû être là ce soir. On vous rassure, tout va bien, il est chez lui. Hein, il n'est pas mort. Rien de dramatiquement dramatique, mais il a malheureusement pas pu être là parce que bah, quand même en santé ça va pas top, mais on le remercie de son petit son, il aurait été grandement le bienvenu ce soir et ce n'est que partie remise. Arthur l'a dit, dans un mois, il sera peut-être là, en tout cas on lui lance l'invitation, on verra s'il écoute le podcast, c'est déjà une petite chose, un petit test, et s'il est là, c'est qu'il l'a écouté. N'hésitez pas en tout cas, vous, à le faire, il y en a sur le site de Panique, il y en a bientôt sur Spotify, on est au courant. Voilà, il y en a un en fonction des vues qu'il y aura sur Spotify, on pourra se motiver à faire la suite. Non, on va le faire très prochainement, on a déjà fait le tri de toutes les émissions qu'on a fait, c'est le principal, et on va se quitter avec cette petite madeleine de Proust, tu l'as dit, Scotty doesn't know. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping, but she's on her knees. Stopping. Cause Scotty doesn't know, Scotty doesn't know, Scotty doesn't know, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty, Scotty doesn't know. I can't believe he's so trusting while I'm right behind you thrusting. Fiona's got him on the phone, yeah, she's trying not to moan. It's a three-way call and he knows nothing. So cool when you're on top. His front lawn in the snow. Life is so hard. Cause Scotty doesn't know. Scotty doesn't know.